cet hiver, prenez de la hauteur au cœur du Parc National des Écrins. Vivez des aventures insolites, traversez nos grands espaces nordiques en ski ou chien de traîneau, découvrez nos univers féeriques de glace et vibrez sous nos glaciers vertigineux. Plus d'infos, paysdesecrins.com. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les entreprises après le Covid, une série de Rémi Dibowski-Douat réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ce premier confinement qui a mis le pays à l'arrêt avant de nous obliger à inventer de nouvelles manières de travailler et de s'organiser ensemble et localement. Alors pour commencer, les personnages, un restaurateur et sa femme, une commerçante qui se souvient, une autre qui pensait que ça irait, un maire qui s'inquiète, un homme qui avait des idées, un chef d'entreprise pilote, un économiste qui fait le point et une coiffeuse qui doute. Ensuite le décor, l'incertitude, un restaurant, des rires, la campagne, l'entraide, un circuit, une tour de contrôle, du karting, un village, l'attente des annonces, des fermetures, des opportunités, des idées et de la vente à emporter. Aujourd'hui, 4e épisode, une parenthèse clandestine. Non mais si t'as pas ça, t'es mort. Arrête d'enregistrer. Et arrête de rigoler et arrête d'enregistrer. Non, mais ton mec, on ne pourra pas sortir indemne d'autant de problématiques. Faut espérer que ça ne revienne pas. Ça revient, mais nous, on a l'impression que dans nos petits villages, on n'y croit pas. On n'y pense pas, on se dit non, ça va pas revenir. Les entreprises après la Covid. L'OEAC, village résilient. Parce qu'on ne connaît pas de gens qui a attrapé pas, tout ça. Puis on n'est pas dans la cohue de moi, comme arène. J'ai jamais cru qu'on pouvait l'avoir. Quoi. C'est un moment suspendu, un moment volé. Nous n'avons pas le droit d'être là, à rire, discuter, boire un verre. Nous n'avons pas le droit d'être là parce qu'il est 21h et que nous sommes à l'OEAC, un petit village de l'Ille-et-Vilaine, et que depuis quelques jours, le département est passé au couvre-feu. C'est un coup dur de plus. Dans la petite assemblée réunie dans cet endroit, à la fois restaurant, hôtel, bar, lieu de vie, une vraie petite agora du village, on trouve essentiellement des entrepreneurs. C'est le village qui veut ça. Car l'OEAC est unique en son genre. C'est le village de France où il y a le plus d'entreprises par habitant. 650 habitants et une quarantaine d'entreprises et commerces. Un petit miracle économique breton à quelques kilomètres de Rennes. Ça change nos habitudes déjà, parce que comme je pense qu'on avait parlé tout de suite, on a une vraie vie. Ici, comme partout en France, dans cette période troublée par le virus, les habitants vivent au rythme des allocutions du gouvernement. Demain, c'est le président qui prend la parole. Son annonce sera déterminante sur l'activité économique des lieux. Il est fort ce village, mais là, ça tangue. Le pub est fermé. Chantal, qui tient un bar tabac, doit vivre sur la retraite de son mari. Le boucher, lui, est privé de son activité de traiteur, puisque les mariages, les noces d'or, les communions sont reportés à des jours meilleurs. C'est bizarre, comme l'a été le confinement. Alors les pronostics vont bon train. Couvre-feu, demi-confinement, confinement par tranche d'âge, on peut tout imaginer. Mais personne ne veut envisager l'hypothèse d'un reconfinement complet, comme en mars. Je ne sais pas comment on va en sortir. Je me dis, j'espère qu'il n'y aura pas trop de casse. Mais bon, je ne suis pas devin. Hein. Je ne suis pas devin. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui ne doivent pas savoir trop où on va. Mais c'est comme ça. Pâques arrive, on va dire. Pâques arrive, généralement, c'est le début de... Pour nous, dans nos métiers, ça marque le début de la saison. On vient de passer un hiver pas plus glorieux que ça, mais voilà. Ce monsieur, c'est Stéphane Collas. C'est le patron du restaurant où nous sommes installés et il dirige aussi l'association de commerçants du village. On sent tout bêtement, bah, comme d'habitude, que quand Pâques arrive, les réservations arrivent, les séminaires arrivent, les mariages arrivent, les communions arrivent, les baptêmes arrivent, la vie de restaurant qui reprend ses droits. Donc, boum, on arrête le confinement. Waouh. Et voilà, à 20h, j'ai écouté et je suis tombée. Heureusement que j'étais assise, hein, parce que je n'y croyais vraiment pas. Nadine Barthélémy. Donc, on nous avait dit sur 15 jours, est-ce que je me rappelle. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, 15 jours fermés, on va nettoyer. Voilà, ça va être le ménage du printemps. Et donc, je crois que 15 jours après, on nous a remis 15 jours ou un mois de reconfinement. Donc là, c'était très dur, ça devait être vers le 1er avril. Et là, il n'y avait personne qui passait dans la rue, il y avait vraiment, c'était très désertique. Hein. Il n'y avait vraiment personne. Et là, je me suis dit, oh là là, comment on va faire? Le gouvernement ne nous avait pas parlé d'aide non plus. Donc ça a été compliqué, on s'est dit, on ne va jamais réussir, il faudra quand même tout payer. C'est vrai que le 15 mars... Ça nous est tombé dessus à 20h comme ça, sans qu'on s'y attende vraiment. Chantal Timouy. Et on comprenait pas trop. Et donc on s'est tous rejoints entre commerçants et on a passé une soirée un petit peu bizarre parce que. Parce qu'en fait, voilà, on était tous un petit peu dans. Là, on ne savait pas de quoi allait être fait demain. Bon, en campagne, c'est vrai qu'on a quand même cette chance où les gens sont proches les uns des autres. Et bon, on essaie de s'entraider, on essaie quand même de prendre soin les uns des autres. Ne pas laisser les gens isolés, quoi, trop isolés, voilà. Au début, tout bêtement, avec mes 18 salariés et mon épouse, on se dit, bon, voilà, c'est national. On le prend comme, entre guillemets, un arrêt voulu par le gouvernement, mais qui ne va pas durer. Voilà. Bon. Quand le président reprend la parole le mardi soir, je crois, là, on sent vraiment... il parle de mots durs, de guerre, de bataille, on sent que ça va durer. Et là, on prend, entre guillemets, on prend un peu peur. On se dit tout de suite, faut protéger notre entreprise, faut protéger nos salariés. Donc là, c'est 15 jours. Il y a eu 15 jours qui sont pas trop mal passés. Et après, derrière, le gouvernement met les choses en place. Et on va dire que ça suit son cours. L'URSSAF, etc., les instances fiscales ont bien fait les choses. On laissait des délais. Hein, nos salariés sont protégés. Ben moi, je rentrais dans aucune case. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, en tant que chef d'entreprise, une PME de plus de 10 salariés, réalisant un certain chiffre d'affaires, eh ben, je rentrais dans aucune case. Des gens comme moi qui réalisent un peu plus d'1,5 million de chiffre d'affaires, eh ben, il y en a un paquet en France. On a été oubliés, voilà. Donc, on a fait face, on s'est positionné, on a questionné aussi nos instances hein, pour dire, on est là, qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, il y a eu un flou artistique. Hein, alors, oui, j'ai dû toucher une fois 1500 euros. Voilà. Et puis on a attendu donc le message du gouvernement qui nous a dit qu'on pouvait réouvrir donc le 11 mai, à ce que je me souviens. Et ça s'est passé très très bien. J'avais anticipé, donc mon mois était déjà complet avant de commencer. Donc j'avais appelé mes clients pour qu'ils prennent rendez-vous. Les clients avaient appelé leur famille, les amis, tout cela. Donc tout le monde m'avait appelé. Donc j'ai commencé, j'avais pas de coup de fil, mais mon mois était complet. J'ai dû faire 280 heures le premier mois. Donc, je commençais à 7 heures le matin, je finissais à 21 heures le soir, 6 jours sur 7, afin de refuser personne. Et je crois que j'ai refusé aucune personne. Qu'on reprend, vraiment, on voit déjà tout bêtement le ressenti de chacun. On voit la vision du monde du travail, la vision de l'entreprise de chacun. Et j'avoue, dans l'équipe, les gens qui sont restés, ça a été un vrai plaisir. Mais avec Marie, mon épouse, on a vraiment ressenti un attachement à notre entreprise familiale. Et on est parti au combat. Les Français sont restés en France et on a fait une belle saison. Pas de mariage, bien sûr, pas de groupe, pas de club de voitures anciennes, pas d'anglais, pas de repas associatif. Mais la table de 2, la table de 4, la table de 6, la table de 8, les gens ont été là. Et on fait un bel été. On fait un bel été, il y a de la vie, et petit à petit, on va dire de 9 salariés, ben on commence à rembaucher 10 personnes, 11 personnes. Et là, on est revenu à 12, entre guillemets. Bien, effectivement, le couperet est tombé au mois de mars, le 19 mars ou le 17 mars, pour tout le monde. Donc là, j'ai avisé en direct le président de l'association des commerçants en disant « Stop, ce soir, tu vas devoir fermer ». Et voilà, c'est parti. Donc là, c'est confinement total. Le maire, Patrick Bertin. Une semaine, pas deux semaines, bon, c'est facile. Une semaine, deux semaines, on se demande comment ça va... Mais après, les semaines passent et le mois passe... Et là, du coup, c'est moi qui ai pris l'initiative de prendre mon téléphone et d'appeler les commerçants, ceux qui ne travaillaient pas. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone et je les ai appelés. Alors, c'est vrai que j'ai eu notamment une personne qui commençait vraiment, vraiment à baisser les bras. Elle faisait le tour de son jardin le matin, le soir, le midi, quoi. Elle était dans son jardin et elle n'était plus du tout dans son activité professionnelle. Et commençait à mal le vivre. Donc c'est là que j'ai dit, écoute, non, on va rebondir, tu vas rebondir. Ah ouais, mais j'arrive pas. Ben écoute, attends, tu fais ça, et si ça marche pas, tu me redis. Voilà, le bouche à oreille fonctionne très bien dans ce genre de petite collectivité, quoi. Et par ce biais-là, ben voilà, ils se sentaient peut-être un peu épaulés, qu'on était là pour les écouter et surtout les motiver. Et ça a fonctionné, oui. Je pense que ça a fonctionné sur notre petite commune, certainement sur d'autres. Aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas de dépôt de bilan, en espérant que ça va perdurer dans ce sens-là. On ne sait pas demain. Quand je dis demain, c'est printemps prochain. C'est, voilà, aujourd'hui, certains font le dos rond. Ils font vraiment le dos rond, notamment au niveau de l'événementiel. Ces personnes-là, c'est très compliqué pour eux. Et ils vont passer l'hiver, j'en suis presque sûr, mais on ne sait pas le printemps prochain. Si nous sommes toujours avec ce même contexte, ça pourrait être quand même assez compliqué, peut-être. On s'est tous réunis. Toutes les forces vives du village, toutes les entreprises, les PME, les artisans, les commerçants, je le vois encore, on s'est tous réunis à mardi, et on s'est imaginé que notre futur... Et on s'est tous imaginé qu'il y avait des possibilités de rebondir et qu'on pouvait faire d'autres choses. Alors, on a eu envie d'organiser des fêtes, faut pas le nier, qui ont été freinées par la peur aussi d'organiser, de se rassembler chez certains. Et donc tout ça, ça a fait des barrières, des garde-fous, mais on a gardé de la vie. On a gardé de la vie et la preuve, cet été quand les touristes sont arrivés, on était là. On était prêts. Une partie de la durabilité du système économique à la campagne et des acteurs économiques à la campagne tient à l'interconnaissance des acteurs. C'est-à-dire qu'à la campagne, vous connaissez votre voisin. Le journaliste Vincent Grimaud. Ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages. Et quand il y a peu de défiance entre les acteurs d'un territoire, et c'est souvent le cas parce que l'attachement au territoire est souvent supérieur à la défiance entre acteurs, eh bien, les acteurs sont assez solidaires, les entreprises sont assez solidaires. Par ailleurs, elles sont rarement en confrontation brutale sur un même marché. Souvent, elles sont complémentaires parce que vous avez une grosse industrie sur un sujet et en général son concurrent est soit dans une ville à 600 km soit en Chine. Mais c'est rare que deux grosses industries se fassent face dans un même canton, disons. Donc les entreprises n'ont pas trop de risques à être solidaires. Et donc les campagnes qui vont très bien sont des campagnes où les réseaux d'acteurs fonctionnent très bien. Il y a beaucoup de petits miracles locaux, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a d'autres LOEA qu'en France? La réponse est oui. Parfois, une simple petite étincelle locale menée par quelques personnes, parfois pas très nombreuses, suffit à relancer une dynamique. Et on assiste à des choses, dans ces cas-là, tout à fait spectaculaires. Pour comprendre la capacité de résilience de l'OEAC face à la pandémie, il faut se tourner vers l'histoire du village. Le petit miracle ici porte un nom, Michel Hommel, un entrepreneur instinctif, un peu fantasque, homme de presse, amoureux de sport automobile et de la vie villageoise. Son arrivée a tout changé à l'OEAC. Vous êtes dans le bar-boucherie de mes grands-parents. Dans les années 70, mes grands-parents décèdent. Ma maman décide de reprendre la boucherie familiale, revient de Paris. Et elle rencontre un homme qui a changé là, entre guillemets, le visage de l'OEAC. Début des années 70, un Parisien, entre guillemets, quelqu'un de la presse, du monde de la presse, vient de lancer une revue, commence à gagner un petit peu d'argent, cherche une maison à acheter en campagne, commence à chercher, il tombe par hasard sur l'OEAC. Il tombe amoureux du village, il faut savoir qu'il y a une vraie vie au village, à l'époque il y a 21 cafés, que lorsqu'il sort de chez lui, s'il veut prendre un café, aller acheter le journal, il n'a pas besoin de reprendre la voiture ou le vélo, il est au cœur du village. Monsieur Hommel est vraiment un villageois pur et dur. Grâce à lui, on va résister à l'exode rural. Et il va amener ses idées, il va amener son optimisme, il va amener son dynamisme, il va amener des fêtes. Il va amener le rallycross à l'OEAC. Pour promouvoir sa revue Échappement, il découvre dans les pays anglo-saxons une course de voitures sur terre et bitume. Il y va, il voit ça. Avec un de ses journalistes, il dit on va faire ça. Alors le journaliste dit on va faire ça où? On va faire ça à l'OEAC. Il faut savoir que dans les années 70-80, sur certaines cartes, l'OEAC n'est pas marqué, entre guillemets. Et a lieu en 76 le premier rallycross. Il faut replacer en contexte, on est le seul hôtel restant du village. Personne n'y croit. C'est l'Uberlu parisien, cheveux longs, qui nous dit qu'il va y avoir 5000 personnes à l'OEAC. Déjà, quand il y avait 400 personnes à la première kermesse, c'était déjà un beau succès. Quand j'ai vu ce truc-là arriver, je me suis dit, ça durera pas. Je voyais pas un engouement comme ça pour la voiture. Marie-Annick Clolus. Moi, j'y suis allée parce que mon mari allait tenir la buvette avec, je sais pas, avec d'autres. Hein. Moi, j'y suis allée en me disant, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Bon, je suis allée en tenue, pas forcément la tenue qu'il fallait. Voilà, je suis revenue, maman m'a demandé où j'étais passée parce que j'avais plus de couleur. Quoi. J'avais les cheveux gris, j'étais sale. Et c'était dans un champ prêté par un agriculteur. Le tracé avait été fait avec un bulldozer, un truc, hein, et pour marquer, enfin pour empêcher les voitures d'aller trop à l'extérieur, il y avait des balles de paille. Alors, c'était pas non plus très sécurisant, parce que la voiture pouvait prendre feu, la balle de paille. Hein. Mais c'était drôle. Les voitures, elles feront pas ça aujourd'hui, les voitures. Chacun trien à sa voiture. Là, les voitures faisaient des têtes à queue, des tonneaux. C'était assez épique. Et c'était pas la belle voiture d'aujourd'hui non plus. Il y avait de tout. Oui, je m'en souviens de ça. Et là, on voit qu'il y a un truc qui peut se passer. Les gens ont commencé à lui faire confiance. Il vient régulièrement tous les week-ends. Il amène de la vie. Il amène des idées. Et c'est vrai qu'il se passe un truc de ouf. Hein. Notre village devient, entre guillemets, le village touristique de la région. C'est comme ça qu'aussi l'OEAC est devenu un lieu où on vient se retrouver. On vient prendre un verre, on vient discuter, on vient voir des gens. Il y a tout le temps de la vie dans notre village. Il y a tout le temps de la vie. Le soir, vous cherchez un endroit pour boire un verre, pour trouver de la lumière, pour pouvoir se réunir, pour manger un morceau. À 30 km à la ronde, on est en milieu rural, il n'y a que l'OEAC. Voilà, l'OEAC, il y a toujours de la vie. Et puis maintenant, je me dis, ben, 70 000 personnes. Ça fait plus de 40 ans que ça dure. C'est quand même quelque chose, quoi. Et on le verrait partir aujourd'hui. Je sais pas. Ça ferait mal, hein. Déjà cette année, on se rend bien compte, puisque c'était une année où personne n'a vu quoi que ce soit. C'est sûr que pour les commerçants, c'est rude. Parce qu'il faisait quand même un chiffre extraordinaire là, pendant au moins une bonne semaine. Parce que les gens viennent presque une semaine avant, que ce soit avec leur camping-car ou en camping. les hôtels sont pris d'une année sur l'autre. Oui, c'est certainement une grosse perte. On a un homme, Michel Hommel, avec sa thématique voiture. Il commence à agrandir son musée, il fait venir des écoles de pilotage, il fait venir des constructeurs de voitures, il fait venir des artisans, des celliers, des carrossiers, des garages, des préparateurs voitures, etc. Et là, le complexe automobile prend forme, le karting est arrivé. Nous avons quand même deux pistes de kart, nous avons un circuit de 4x4, nous avons un très beau domaine pour faire des balades en quad. Comme quoi, des fois, des vies se dessinent par des rencontres. Et nous, il y a quelques années, on en a fait une très belle avec l'arrivée de cet homme. Après une étincelle, après un coup de génie d'un entrepreneur ou d'un élu qui va trouver une activité économique et la développer sur un territoire, pour que cette étincelle ait un lendemain, il faut absolument qu'il y ait une dynamique collective qui s'inscrive. Et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes assez intelligents pour se mettre autour de la table, pour comprendre qu'il y a une ressource qui vient d'être dévoilée et pour l'exploiter. Les territoires qui parviennent à le faire, c'est toujours une histoire de capacité à se mettre autour de la table et à tirer dans le même sens. Et c'est très difficile parce que ce qui règne, c'est souvent la compétition territoriale. Mais je pense que c'est aussi lié à toute son histoire. Parce que l'histoire, ça a été quand même un village, donc une petite cité qui a appartenu à des seigneurs. Ils avaient mainmise sur l'Oyac et puis ils faisaient payer un droit de passage pour les marchandises. Donc c'était une voie romaine qui reliait Carhaix à Angers. Et cette voie-là était aussi d'un autre côté, reliait aussi Rennes à Rieux. Donc il y avait un croisement. À mon avis, il y avait sans doute beaucoup d'échanges qui se faisaient. Une habitude aussi de personnes de brassage de population, quelque part. Et je pense qu'il y avait aussi là-dedans tout un commerce et un esprit qui s'est installé et qui perdure, hein, à mon avis, à travers, je ne sais pas quoi, hein, à travers peut-être tout ce qui se vit, tout ce qui s'est vécu au fil du temps. Donc il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées en fait à l'Oyac et qui, je pense, font que bah, il y a eu pas mal d'apports de... Enfin, moi, je ne me souviens pas de tout ça, évidemment, mais je pense que ça a eu une répercussion, quand même. Le Loyac de mon enfance, c'était quand même quatre boucheries. Quatre boucheries à Loyac, c'est énorme. Un bourrelier, trois forgerons, des épiciers, une mercerie, marchands de tissus. Donc, non seulement des marchands de tissus, mais alors aussi des tailleurs, donc des gens qui... des couturiers, là, aussi, des coiffeurs. Bon, il y avait tout un dynamisme. C'est un peu la magie de ce qui s'est passé à la source, c'est-à-dire qu'à la source, maintenant, il y a plus de 40 ans, en 1976 exactement, Michel Hommel, qui était un jeune éditeur d'un groupe de presse automobile qui s'appelait Échappement, s'installe dans le village, à titre perso. Patrick Germain. Sympathise avec les équipes du village jouer à la pétanque parce qu'il y avait déjà une excellente ambiance. Et le maire lui dit, mais Michel, tu pourrais pas nous amener une course automobile à l'Oyac? Là, c'était la dynamique intra-l'Oyac, qui à l'époque avait 200 habitants de moins. Et puis pour faire un rallycross, il faut un champ. Alors, aujourd'hui, c'est un grand circuit, mais au début, c'était un champ. Donc, qui était le mieux placé pour trouver un champ, faire des parkings et assurer les buvettes? Ben, le comité des fêtes, comme dans tous les villages de France, où il y a un comité des fêtes pour faire l'intendance. Et donc cette alliance de compétences, de passion, 45 ans après, est toujours là. Et on a fait une course qui est la première au monde dans ce championnat du monde de sport automobile. On va monter en haut de la tour de contrôle. Voilà le circuit. On est au milieu d'un bel écrin de verdure, puisqu'on a, on est entouré de chênes, on a un étang juste à côté, donc c'est très bucolique. et on voit une piste en goudron avec des vibreurs en couleur qui sont sans bruit, sans activité. Et c'est propice à peut-être voir des lapins. On a quelquefois des lièvres aussi sur le circuit. Ça veut dire que quand il n'y a pas de course, la nature est présente, est omniprésente ici. J'ai vu que l'Allemagne annulait les Oktoberfester, c'est-à-dire la fête de la bière à Munich, qui se déroulait fin septembre, donc un mois plus tard que nous, qu'ils l'annulaient, très tôt, parce que ça s'est fait en avril. Et donc je me suis dit, s'ils font ça, les Allemands passaient pour être moins atteints que nous au niveau Covid, ayant pris des mesures, enfin, ça paraissait moins grave chez eux, qu'ils le fassent en anticipation comme ça, je me dis, on risque l'annulation, on risque aussi une désaffection du public ou des sponsors, et là on prend des risques économiques, on organise mais on peut perdre de l'argent, donc quelque part si ça marche pas on ne peut pas se le permettre quoi. C'est beaucoup plus compliqué que de tirer un trait en disant c'est quand même la position la plus raisonnable et on se mobilise pour l'année prochaine. En fait, on aurait pris une décision tardivement en s'obstinant à vouloir organiser, on aurait forcément engagé beaucoup de dépenses, et là peut-être que économiquement ça aurait été beaucoup plus compliqué. Nous sommes un événement populaire qui dure du jeudi jusqu'au dimanche. Avec une fête, avec une ambiance, un bal dans le village, à l'intérieur du village, qui est gratuit, des prix relativement modérés, assez modiques, si bien qu'on a toujours eu cet engouement, qui fait d'ailleurs qu'on est la première épreuve mondiale, incontestablement. Donc, toute cette population consomme, bien évidemment, connaît l'OERC, et revient à l'OERC aussi, après, soit pour visiter le musée, soit pour se promener à l'OERC, soit aller dans les restaurants, il y a 4 restaurants à l'OERC, donc arriver à cette vie. Aujourd'hui, on a eu une coupure, je ne pense pas qu'elle soit dramatique sur l'avenir, parce que c'est suffisamment ancré pour pas que ça soit éphémère, mais par contre, il y a eu un impact immédiat, très fort, sur le sujet. C'est-à-dire qu'on met presque 2 km de barrière. On installe 2 km de barrière, donc il faut les louer. On loue des chapiteaux, on loue des milliers de mètres carrés de chapiteaux. On a un centre de presse qui fait 1000 mètres carrés. On reçoit 350 journalistes. Donc quelque part, bah, il faut monter. Donc là, on est obligé de mettre de la clim aussi, parce que l'épreuve étant début septembre, il fait chaud. Donc tout ce que nous louons à l'extérieur, nous mettons en place des moyens de télévision et des moyens Wi-Fi excessivement importants, puisqu'on est en télévision directe mondiale, quoi. Donc quelque part, tout ça fait qu'on irrigue aussi beaucoup de fournisseurs. On travaille principalement avec des fournisseurs qui sont des fournisseurs régionaux, en fait. On avait quelqu'un qui travaillait pour nous au niveau administratif. Il est évident qu'on n'a plus rien à lui donner, donc les contrats ont été suspendus. La personne qui cherche chez nous les contrats publicitaires et qui est un agent, en fait, lui est impacté, puisque son chiffre d'affaires lié à être agent pour nous et d'autres événements est quasiment réduit à zéro. Et là, on est plutôt sur des micro-entreprises ou tout au moins des entreprises à 1 ou 2 personnes. Les loueurs de tentes, en fait, ont eu quasiment une disparition de leur activité sur l'événementiel. Et ceux qui étaient en situation de ne faire que ça sont en grave difficulté. Mais on n'a pas encore la totale conséquence, puisque les mesures d'aide ont permis justement de passer ce cap. Si l'année prochaine, c'est aussi compliqué et que l'État continue de maintenir l'activité ou d'aider les entreprises, ça va aider à passer certains caps. Je ne sais pas comment on paiera tout ça. Après, là, on rentrera dans un cycle, je pense, de pauvreté assez à long terme, même si l'activité continue, parce qu'il faudra bien à un moment rembourser toutes ces aides temporaires. Ceux qui sont le plus à plaindre sont ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup d'activité, mais qui étaient peut-être sur des structures assez légères qui leur permettent de tenir avec les aides. Ils doivent souffrir du fait de ne pas avoir beaucoup d'activité. Et de tourner en rond, entre guillemets. C'est peut-être ça le pire. Parce que quand on est constamment sur le pont, même si c'est difficile, c'est, on ne pense pas à autre chose. On vient de finir d'éclairer la piste. Une semaine avant le couvre-feu. J'ai du flair cette année. Donc moi c'est Jean-François Clairon, gérant de la SARL Pactarus. Ça fait 20 ans qu'on est, arrivé à l'EAC en 2000. Avec une activité stage de pilotage et organisation de courses avec des voitures de course. Et depuis une dizaine d'années, on diversifie l'activité. Adapter nos produits au budget des entreprises qui sont 70% de notre chiffre d'affaires, l'activité entreprise, 30% de particuliers. Donc depuis 10 ans, on a donc commencé par le quad, des balades en deux chevaux et des chasses au trésor en deux chevaux pour les entreprises. Le 4x4, les stages et les balades et randonnées en 4x4 il y a 5-6 ans. Et effectivement, on a rajouté encore une corde à notre arc en rachetant la société voisine à la nôtre, qu'on était installé là, juste derrière les arbres, jusqu'à ce début d'année. On a effectivement racheté la société qui fait le karting à l'OEAC le 22 février. Donc oui, souvent... Ça part d'une spécialisation, d'une spécialité, d'abord d'une spécialité, puis d'une spécialisation, mais il y a un danger à être, pour un territoire, à être ultra spécialisé. Et les campagnes les plus résilientes, en tout cas, sont celles qui ont pu accélérer grâce à leur spécialité, mais ont su ensuite se diversifier et pas reposer sur un seul pilier, parce que c'est toujours très dangereux, et c'est d'ailleurs la principale faiblesse des campagnes. Pour tout territoire, une spécialisation, c'est à un moment, c'est une bonne façon pour sortir du lot, mais ça ne peut pas être un projet de développement durable. Aucun secteur n'est à l'abri d'une crise. C'est un moment particulier. On est plutôt content d'avoir signé cette affaire-là, plutôt euphorique, très loin de l'actualité. Enfin, en tout cas, très loin de l'actualité. On est bien évidemment au courant de ce qui se passe et de l'épidémie qui arrive, mais très loin de l'activité immédiate. Et c'est... mon beau-père qui nous appelle le samedi soir en nous disant « Mais est-ce que vous êtes ouvert demain ?» Ben, bien sûr qu'on est ouvert demain. Et donc pourquoi ? Ah ben non, mais vous n'allez pas ouvrir. On ferme le 15, le 16 ou le 17 mars, je ne sais plus. Moi, personnellement, je vis ça plutôt... pas bien, mais j'ai pas d'énormes inquiétudes pendant le confinement. Là, je trouve que l'État fait plutôt bien les choses. Enfin voilà, on serre tous les robinets, on appelle la banque, on paye plus rien et on verra combien de temps ça va durer. Donc on a été à ce moment-là assez protégé. Ma conjointe moins, pas de déprime, mais pas loin quand même. Elle a mis, au-delà de l'inquiétude sanitaire, elle était très inquiète pour la suite de notre business. On en a profité, moi je suis venu travailler tous les jours hein, pendant le confinement, faire tout ce qu'on n'aurait pas pu faire sans le confinement, repeindre les vibreurs, améliorer plein de choses, en dépensant le moins d'argent possible parce qu'il fallait déjà penser à la suite. Mais on sait, oui, on a été plutôt bien occupé entre guillemets pendant le confinement. Moi, c'est plus le redémarrage qui m'angoissait. Je savais très bien qu'on n'allait pas repartir. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la France était déconfinée, nous, je savais qu'avec, encore une fois, une grosse activité entreprise, la première pensée des boîtes qui réouvraient ou qui retravaillaient n'allait pas être de venir faire les imbéciles pour rigoler en quad, en carte, en 4x4, en voiture de course, enfin, peu importe. Moi, c'est ça qui me faisait peur. Parce que je savais que ça allait redémarrer, que certaines mesures de protection qui avaient été mises en place pour nous allaient disparaître. Et nous, j'avais peur qu'on soit encore garé sur le bord, devoir payer plein de choses avec une économie qui, pour nous, n'est pas repartie. On est sur une perte de plus de la moitié de notre chiffre d'affaires prévisionnel. Ouais. C'est pas le vide sidéral, mais on en est pas loin quand même. C'est ça qui est quand même à la fois rassurant, cette capacité de se dire on est toujours là, et en même temps c'est inquiétant parce qu'on aurait pu espérer que le Covid s'estompe tout doucement. Là ça repart très fort. Ça va repartir très fort pendant combien de temps? On va se dire à un moment, mais quand est-ce qu'arrive le vaccin et vraiment des soins qui vont permettre de baisser cette pression? Et tant que ça n'arrive pas, combien de temps ça va durer? Patrick Germain. Il y avait un retour du chômage. Hein. J'étais au chômage une certaine période de ma vie. C'est jamais facile à vivre. Et on a beau dire que c'est des rebonds et tout, il vaut mieux éviter quand même. Donc ceux qui vont le vivre alors qu'on sort d'une période qui était, il y a encore un an, c'était tout feu, tout flamme, quoi. Tout allait bien. Quoi. Au contraire, on rentre dans des périodes qui vont être compliquées. Il y a des jeunes qui souffrent au niveau boulot, il y a des moins jeunes qui souffrent au niveau boulot, il y a des boîtes qui vont fermer, il y a de l'incertitude. Et il faut penser aux autres, je pense, de cette façon. Quoi. L'OEAC, le village d'automobile, hein, c'est ça, c'est son label aujourd'hui, est devenu un point de rendez-vous, un point de rencontre, un point de balade. Il y a plein de gens qui viennent à l'OEAC le week-end en disant il y aura toujours quelque chose. Je prends un café, je regarde ce qui se passe, boum, il y a toujours quelque chose de très sympa. Donc ça ne va pas disparaître. C'est beaucoup plus fort en fait qu'un phénomène de crise. C'est pas la guerre hein, quand même. Hein. Mais globalement, Il y a de bonnes chances que la crise sanitaire accélère la renaissance des campagnes, ou en tout cas la renaissance de certaines campagnes. Vincent Grimaud. L'attrait pour la campagne, pour la qualité de vie, pour l'espace, pour les paysages, va être renforcé par la crise. Par ailleurs, les campagnes ont des atouts qui ne sont pas seulement environnementaux. C'est des territoires qui restent bien mieux dotés en services publics que ce qu'on croit, qui sont dotés d'un niveau de services privés, c'est-à-dire commerce de premier niveau, offres culturelles beaucoup plus étoffées qu'on croit, qui ont des capacités d'accueil en termes culturels, en termes de collèges, de lycées, beaucoup plus élevées qu'on le croit, et donc qui sont tout à fait aptes à accueillir des nouvelles populations. Donc, ça, on sentait déjà depuis les années 1975, le solde migratoire est favorable aux campagnes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'urbains qui vont vivre à la campagne que l'inverse. Donc c'est quand même un mouvement de fond, et oui, on peut penser que le coronavirus va l'accélérer. Donc a priori, plusieurs faisceaux qui laissent penser que les campagnes vont être gagnantes à la crise sanitaire, mais quand même une grosse incertitude sur le niveau de la crise économique. Bon, toujours est-il que naturellement, voilà, on vient de changer d'heure, il va pleuvoir un jour sur deux. On est une activité très impactée par la météo et c'est comme ça. Bon, on sait que pour nous, le plus dur est devant. Hein, le plus dur est janvier, février, mars. Pour nous, le plus dur est devant nous. Jean-François Clairon. Je me dis que c'est pas possible qu'on aille tous dans le mur. C'est pas possible que... Parce que si nous on y reste, c'est beaucoup de gens dans le monde de loisirs qui vont y rester, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de restaurateurs, c'est beaucoup de bars, c'est tout l'événementiel, c'est tous les salons, les foires, la culture, les cinémas, c'est impossible, je peux pas croire à ça. Je voudrais pas être à la place de ceux qui sont aujourd'hui de prendre des décisions pour qui ont récupéré la patate chaude là. J'espère que les décisions qu'ils prennent vont nous permettre de finir l'année, mais surtout de recommencer. Il faut qu'on tourne la page là, il faut qu'on tourne la page vite. La crainte quand même demain de ce qui sera pris comme décision. Enfin, quand j'entends on va durcir le couvre-feu la semaine et confiner le week-end, bon ben là pour nous c'est supprimer l'activité week-end, donc les particuliers qui étaient à peu près la seule chose qui nous faisait travailler aujourd'hui, donc c'est équivaut pour nous à une quasi-fermeture. Hein. Donc je ne sais pas comment on va gérer ça encore. Euh, j'espère que ça va pas durer. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. On attend ce qui va se dire demain. On est encore là. Et on est dans le secteur événementiel. On ne passera pas un deuxième printemps comme celui-là. Si on n'est pas reparti printemps prochain, ça va se compliquer sérieusement. Pour nous tous. Hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Là, je pense que là, on y pense un peu plus parce que là, ils en parlent, et on se dit, bon, ça va arriver comme au mois de mars où on nous l'a dit, du jour au lendemain, qu'on va fermer, vous allez être confinés. J'ai l'impression que ça va recommencer là, que ce soir ou demain, on va encore nous dire, bon, bah, le week-end, vous restez chez vous, vous ne sortez plus. Bon, si c'est que cela, c'est encore pas trop grave. Mais si les commerces ferment, bon, bah, là, ça va être une catastrophe encore. Moralement, hein, il n'y a pas que financièrement, hein, moralement aussi. Parce que je pense qu'il y a des personnes, comme des personnes âgées, qui sont restées toutes seules pendant, voilà, comme vous, hein, pendant 15 jours sans voir personne, c'est quand même très dur. Nadine Barthélémy. Allez, asseyez-vous. On va le garder, ma Vieuxville, on va garder le masque. Je vais juste le tordre comme ça. Voilà, ça va moins me gêner. Vous êtes venu comment ? En voiture. C'est votre fille qui vous a amené. Elle revient dans combien de temps ? Bon, une demi-heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. Je pense peut-être qu'il faudra fermer plus vite. Avoir un couvre-feu, voilà, c'est ce que je me dis. Mais je pense pas qu'on nous fermera vraiment les commerces entièrement comme au mois de mars, parce qu'économiquement, ça a été quand même dur pour le gouvernement. Mais en fin de compte, on a toujours eu un. Il y a toujours eu un salon de coiffure depuis très longtemps, en fin de compte, et ça tient. Bon, après, je ne sais pas ce que ça fera dans 20 ans, est-ce que ça continuera. Mais je trouve quand même que les petits commerces, maintenant, dans les villages, fonctionnent autant qu'en ville. Car en ville, bah, ils sont 4, 5, 6 employés par salon, donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup, vraiment énormément de clients. Que ici, en campagne, c'est vraiment des gens qui travaillent seuls. Donc même si pendant une heure, on n'a pas de clients, c'est pas grave. Il y a moins de charges, il n'y a pas les employés, tout ça. Donc j'ai l'impression quand même que ça fonctionne beaucoup mieux dans les petits villages. C'est ce que disent de toute façon les comptables, que c'est les petits commerces qui marchent le mieux maintenant, et non les grands commerces. Je pense qu'il y aura un couvre-feu, mais qu'on ne fermera pas les commerces. Bon, moins pas les coiffeurs. Les restaurants et les cafés, peut-être, c'est ce qu'on entend, puisqu'ils sont tous sur les cafés et les restaurants. Mais je pense pas les coiffeurs. À votre santé. À la vôtre. Santé à tous en tout cas. Bon allez, à cette période un peu bizarre quand même. Qui vont nous annoncer ce soir, oui ça peut faire peur. Ça va être sûrement très très compliqué. Oui, un peu de réserve. Cette belle allocution à 20h, savoir entre guillemets à quelle sauce on va être mangé. Et un truc impressionnant, c'est que les gens ne pensent pas que les bars sont fermés l'après-midi. Les gens viennent consommer normalement et on leur dit désolé, c'est fermé. Et ça, ce n'est pas rentré dans la tête des gens. On va faire face. Hein. C'est vrai que l'OEC va résister, j'espère, encore une fois, à ce problème. Fermé à 21h pour nous, c'est... Stéphane Collas. C'est bizarre. C'est bizarre comme l'a été le confinement. Mais allez, on garde espoir. On se dit, c'est pas possible. On va pas une deuxième vague de confinement total. C'est... Alors, un truc qui est bizarre, t'as le droit de... Un plat principal peut être servi avec de l'alcool pendant l'après-midi. C'est pas possible, autrement on va mourir. Il y a des commerces qui vont pas s'en remettre, il y a des gens psychologiquement qui ne veulent pas revivre le fait de s'isoler comme on a connu en mars, avril. Donc allez, ils vont trouver des solutions. Ils vont trouver des solutions. Il y a un flou artistique. Mais en les faisant consommer dans l'établissement. Oui. La vie économique, le travail, l'industrie, le commerce. Ce flou est complètement bizarre à vivre. Comment on va faire ? France et qui montre que... Je me sens attaqué, entre guillemets. Hein, ce virus-là, il est en train de changer aussi ma façon de penser. Je trouve que... Alors c'est tout un contexte, hein, un contexte de vie qui fait que on se sent changé, on ne voit plus l'avenir un peu de la même façon, on ne voit pas nos journées de la même façon. Je me dis waouh, c'est ce qui nous arrive à être bizarre. Je me sens abîmé un peu là, je me sens agressé, je me sens ma vie vraiment modifiée, on va dire. C'est bizarre comme l'a été le confinement. Le confinement, voir nos rues sans voiture. Un bar, un restaurant, c'est un lieu de vie. Ce soir à 20h, la télé sera en place. Donc ce soir à 20h, la télé sera allumée pour le président. Françaises, Français, mes chers compatriotes. La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Nous y sommes. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Alors, reconfinement total, waouh. Mais psychologiquement, là, on frôle la fin de nos... La fin d'une époque. Je trouve qu'on est, on ressent vraiment le... Là, il y a un vide, là. Il y a un vide. Waouh, ça fait peur. S'il fallait retenir une chose de tout ça, c'est ben qu'on n'était pas prêt. Et que ce qu'on a on peut envisager, on envisage plein de choses, et notamment dans nos business, mais alors ça, on l'a pas vu venir, c'est là. Pas de rentrée, je ferme mon établissement, je remets mes équipes à la maison. On se dit, est-ce qu'on repart dans la configuration d'avril-mai où on avait créé pour l'entreprise un système de libre-service cafétéria pour les gens qui vont continuer à travailler, parce que le monde de l'industrie, la maintenance industrielle, le monde de l'élevage, on est en Bretagne, on est en milieu agroalimentaire, il y a des gens qui vont avoir besoin, ils ont l'obligation de travailler, hein, on va dire que il y a des gens qui vont continuer à travailler, toute l'activité française ne va pas s'arrêter. Donc est-ce qu'on va remettre en place ce qui nous avait permis de travailler pendant 2 mois, du lundi au jeudi, on va dire? Bah, j'y crois, ouais, je le vois tout de suite comme ça. Je me dis, on va remettre les frigos dans les halls, on va recréer avec les garçons en cuisine un système de plats emportés. C'est pas la joie, mais bon, ça sera une solution. Ça fait réfléchir sur l'évolution de notre métier, de nos produits, de ce qu'il faut faire mieux, de comment il faut s'adapter à tout ça, de comment il faut continuer à rester attractif. Il n'y a pas que du noir dans tout ça, même s'il faut se forcer pour voir des choses positives, mais ça nous fait nous améliorer dans certains domaines. Les 2 mois, entre guillemets, de fermeture suite au premier confinement a permis quand même de pas mal réfléchir à nos maisons. Ça, je pense que c'est le cas pour plein de secteurs d'activité. Et le Covid m'a ouvert certains... J'ai un autre regard sur mon métier pour certaines activités. Je suis un établissement qui est ouvert 7 sur 7 depuis... 75 ans. 7 sur 7. Ben, j'ai commencé à travailler avec ma maman à l'âge de 14 ans. Et il a fallu, tout bêtement, le Covid a fait changer, c'est que maintenant je serai fermé le lundi. Ça me fait bizarre, mais c'est loin d'être désagréable, faut pas le nier. Ça change aussi le planning de mes équipes. Certains ont un dimanche soir lundi. Ça leur permet aussi, tout bêtement, d'avoir une autre façon de travailler. Moi, j'ai un taux de turnover très faible. Hein. Mes bons soldats, entre guillemets, qui ont résisté à la tempête Covid, sont là depuis des années. Hein. J'ai de bons éléments. Et on s'est tous adaptés un peu à ce changement de vie. Mais je préfère être tout bêtement devant la porte. Je vais leur dire de vive voix que le restaurant est fermé. Et je leur explique pourquoi aussi. Hein, je leur donne les raisons de ce que je viens de vous citer, que de tout bêtement voir qu'ils voient une affichette établissement fermé le lundi. Et puis j'aime ça, le café du lundi matin, le café du lundi matin, à l'heure actuelle, le petit apéro du lundi midi, aussi avec nos clients, nos habitués, et aussi être présent pour annoncer à nos habitués ou aux gens qui passent que le restaurant est fermé le lundi. Mais le confinement peut avoir du positif. Maintenant, le trouver tout de suite, c'est peut-être dans quelques mois qu'on le verra, dans quelques années, je ne sais pas. Peut-être qu'on va réapprendre à revivre. On vivra plus les uns avec les autres, parce qu'on était assez individualistes. Quand on ouvre nos commerces, quand moi j'ouvre mon établissement, chose que je fais depuis 94, hein, je suis la troisième génération, je suis chez moi, entre guillemets, je vis dans ma maison d'enfance. Hein, c'est mon l'OEAC est mon terrain de jeu, et mon terrain de vie depuis tellement d'années, que là je sens que on ferme les barrières, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on ferme les rideaux. On ferme la porte à double tour. J'ai vraiment l'impression qu'on ferme la double tour, c'est qu'on éteint les téléphones, on éteint les télés, j'irais presque. On bâillonne, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression qu'on va arrêter de parler, qu'on va arrêter de communiquer avec les gens, qu'on va arrêter de s'amuser, de rire, de discuter sérieusement aussi. Hein. On s'en va. Moi, j'ai l'impression, ça y est, que le silence, entre guillemets, le silence va s'abattre dans notre village et dans ma maison. Rester dans une maison sans bruit, dans un environnement sans bruit, je ne sais pas si... On a peur, aujourd'hui, je pense qu'on a peur du silence. J'ai confiance, quand même. J'ai confiance, je me dis que... Bon, le monde évolue, et c'est compliqué. On galopait tous les uns après... Enfin, après je ne sais quoi, hein. Et que peut-être que ça va nous ramener un peu à la réalité, en se disant, on peut vivre sans courir, sans arrêt. Ce qu'on a vécu dans notre jeunesse, hein, c'était pas non plus cette folie-là. Nous, quand on était enfants, on avait, on n'appelle pas ça d'éveillé, mais on était en famille, où on tricotait, où on faisait je sais pas quoi. On mangeait des châtaignes, on grillait des châtaignes, c'était sympa, quoi. Je sais pas. Hein. Je sais pas si la génération de jeunes d'aujourd'hui est prête à accepter ça, parce que je pense que pour eux, c'est dur, quoi. C'était les entreprises après la Covid. L'OEAC, village résilient. Par Rémi Libowski-Douatte. Avec Stéphane Collas, Chantal Timoui, Nadine Barthélémy, Patrick Bertin, Vincent Grimaud, Marie-Annick Clolus, Patrick Germain et Jean-François Clairon. Prise de son, Arthur Dumont. Mixage, Antoine Viossa. Réalisation, Franck Lilin. Entrepreneuse, salariée, chômeur, chef d'entreprise et télétravailleuse, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Bretagne, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons voir les insectes de plus près. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.